Mercredi 20 septembre, 23h45 AM. Oh, yes, I think. Yes, I think we do. Yes, I think we want to share. Nous sommes un collectif de deux qui pensons. Transgresser des enveloppes sociales pour voir avec une ninja session. C'est possible. We think it's possible. Oh. Ah. Sorry. Bad connection.